Exercice 2, page 103. A. Aliments. B. Présenter. C. Enchanté. D. Cependant. E. Champignon. F. Répondre. G. Prononcer. H. Compagnon. I. Récompense. J. Concentrer.